Pedro Alvarez Cabral. Le Portugais Pedro Alvarez Cabral s'était embarqué à Lisbonne en l'année 1500 pour se rendre dans les Indes orientales. Des vents contraires le portèrent vers l'ouest et le Brésil fut découvert. Brésil où Sandrart se rendit en 1924. Rio de Janeiro. Tout le monde est sur le pont. Nous sommes au milieu des montagnes. Un phare s'éteint. On cherche le pain de sucre partout. Et 10 personnes le découvrent à la fois, dans 100 directions différentes, tant ces montagnes se ressemblent dans leur pyriformité. Monsieur Lopard me montre une montagne qui se profile sur le ciel comme un cadavre étendu, et dont la silhouette ressemble beaucoup à celle de Napoléon sur son lit de mort. Je trouve qu'elle ressemble plutôt à Wagner, un Richard Wagner bouffi d'orgueil ou envahi par la Grèce. Rio est maintenant tout près, et l'on distingue les maisons sur la plage. Les officiers comparent ce panorama à celui de la Corne d'Or. D'autres racontent la révolte des forts. D'autres regrettent unanimement la construction d'un grand hôtel moderne haut et carré qui défigure la baie. Il est très beau. D'autres encore protestent véhémentement contre l'abrasage d'une montagne. Penché sur le bastingage tribord, je contemple la végétation tropicale d'un îlot abandonné. Le grand soleil qui creuse la grande végétation. Une petite barque montée par 3 pêcheurs. Ces hommes aux mouvements lents et méthodiques qui travaillent, qui pêchent, qui attrapent du poisson, qui ne nous regardent même pas, tout à leur métier.